parler. Mets ton chapeau. Mets ton plastique, ni y'a que couler. En papé, en calé, en papé, en calé, en papé, en calé. Ni mauvais temps de voilà. Après 4 ans ou qu'à mort, mets ton bonnet en tête à haut, mets le chapeau à haut. En papé, en calé, en papé, en calé. Couvert tête à haut, protégez-vous. Chapeau à un tête à haut, pas sorti de là comme ça. En papé, en calé, en papé, protégez tête à haut. En papé, en calé. Bip, bip. Analyse, yo paix, parce que yo pas vle, mettre ton bonnet en tête à yo, protéger tête à yo. Yo quand sorti en la pli là, mauvais temps de voilà, peut trapper pas l'itise. Protéger tête à yo. Ni à ou ka koule en te prévenir a pas parce que on savait c'est après 4 ans ou que mort pour sortir comme ça sans protéger tête à ou. En papé, en calé, pas oublier ou ka rete très longtemps mort. Pip pou l'suiv ti kana Imon e ye E yo toujou di ou Bef bouvan Bwe bon d'lo A pa pou sa Ou mette ou adan d'lo sal Pou pa trape mikrob Pou trape chofi Poteje teta ou Met boni an teta ou Met ton chapeau Ou bien un per an lè ou Sabse kaotchou Glou la pe koule Kon ka koule an le fe yamade Alos Si zon vle viv tre lontan Zon vle manje la jangre tret a zon Mete boni a zon Mete chapo a zon